j'aime pas ça chez toi, j'aime mieux ça chez moi. Faudrait faire comme si, faudrait faire comme ça. Je t'ordonne ceci, tu m'ordonnes cela. Laissez-moi respirer. Il y en a marre de vos règles, je ne peux plus les supporter. Laissez-moi respirer. Je veux m'envoler, rendez-moi ma liberté. Laissez-moi respirer. J'ai rien à faire ici, rendez-vous au paradis. Laissez-moi respirer. Je prends les choses en main, je veux me sentir bien. Cette chanson ne t'a pas plu.